Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, joyeux Eid à tout le monde, Eidkoum Mabrouk. Aujourd'hui, on va étudier un point de traduction qui m'a donné du fil à retordre en fait. C'est comment traduire en français le mot abd en arabe. Bien sûr, dans le contexte de Abdallah. La première traduction, une traduction linguistiquement la plus proche, ça serait esclave. Abdallah, ce serait l'esclave d'Allah. En témoigne le fait que Ubudiyya, c'est l'esclavage en arabe. Le truc, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de traductions vont traduire ça plutôt par serviteur d'Allah que par esclave d'Allah. Quelle est la pertinence d'un tel choix en fait? C'est ça qu'on va se poser comme question. Tout d'abord, linguistiquement parlant, clairement, esclave est plus approprié. En plus de cette prépondérance linguistique, on va dire que personnellement, j'ai une préférence pour esclave. Parce qu'en fait, la conception, et je souligne bien le fait que c'est une conception personnelle, la conception que je me fais d'un serviteur, c'est une personne qui serait liée à son maître par une relation qui est la suivante. Quand le maître appelle le serviteur, quand il appelle, le serviteur vient accourt à son maître et vient le servir. Mais entre deux appels du maître, le serviteur est libre de sa vie, en fait, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que, comme dans un film où le maître aurait une cloche et il appellerait le serviteur en faisant sonner la cloche et le serviteur accourrait. Si on veut une allégorie plus islamique de la chose, ce serait un peu 5 fois par jour, vous êtes appelé à prier, mais entre les prières, bah, je fais ce que je veux, c'est ma vie, laisse-moi tranquille. Je trouve que c'est pas assez poignant comme sens de servitude, la servitude envers Allah, mais que l'esclavage envers Allah, il est plus fort. L'esclavage, un esclave, au moins en théorie, il est censé savoir que chaque seconde de sa vie appartient à son maître. Même si on n'est pas des anges, même si on fait des erreurs, etc., se dire que chaque seconde de notre vie est censée plaire à Allah et on est censé s'efforcer de plaire à Allah dans chaque seconde de notre vie, c'est bien plus fort que le sens servitude. Et je trouve que c'est plus en accord avec le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « A'udhu billahi min shaitan irajim, bismillahir rahmanir rahim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » dit « Ma prière, mes actes, ma pratique religieuse, ma vie, ma mort sont ta Allah, le Seigneur des mondes, des univers. » Voilà, donc je trouve que c'est bien plus proche du sens esclavage que de servitude. Maintenant, il y a des points qui vont plutôt dans le sens de servitude. Les points qui vont dans le sens de servitude, c'est que, déjà, quand on traduit d'une langue à une autre, il faut connaître les connotations de la langue dans laquelle on traduit. En français, l'esclavage, c'est une très mauvaise connotation. Esclave, c'est une très mauvaise connotation. Dire « je suis votre serviteur », c'est plus poignant et plus touchant que « je suis votre esclave ». Dans le premier cas, on sent un certain choix. Et dans le deuxième cas, on sent une résignation. Quand le doigt par lequel on commence « Allahumma inni abduk »« Oh Allah, je suis ton serviteur ou esclave », dire « je suis ton serviteur », on a l'impression que c'est plus... En tout cas en français, hein, on a l'impression qu'on est plus impliqué quand on dit « je suis ton serviteur ». Mais bon, la dualité, on vient d'exposer une certaine dualité en fait, entre la résignation et le choix. C'est une dualité qu'exprime Cheikh Al-Bouti rahimahullah quand il nous dit en fait... Il nous dit quoi exactement? Il nous dit, en fait c'est dans le troisième audio que nous avons traduit lui, il dit « Comme Allah a fait de moi un esclave par contrainte factuelle, il m'a demandé d'être son esclave par choix, par le choix que j'ai dans ma conduite. » Donc en fait la contrainte factuelle c'est quoi? C'est tout ce qui est les facteurs, tout ce qui sont les facteurs nécessaires à ma vie, sur lesquels je n'ai aucune emprise et qui montrent que je suis esclave. La nourriture, le sommeil, plein de facteurs physiologiques dont je suis complètement l'esclave qui montrent mon esclavage à Allah. Et maintenant, l'esclavage par choix, c'est ce que j'appellerais plutôt la servitude. C'est moi qui me déclare, qui accepte de me déclarer être serviteur de mon maître. Mais ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que je suis déjà son esclave. Et le maître me dit, bon, t'es mon esclave, mais est-ce que te déclareras-tu mon serviteur? Et c'est ça que je trouve assez beau dans l'histoire. J'ai toujours une préférence pour esclave dans la traduction, mais je reconnais que serviteur peut avoir des aspects positifs qu'esclave ne contient pas en français, je dis bien en français. Et du coup, c'est pour ça que vous me verrez parfois traduire par une juxtaposition. Quand il y aura Abdallah, je dis parfois le serviteur, virgule l'esclave d'Allah. Quelque chose comme ça, pour avoir les deux sens. J'espère que la nuance vous a été utile. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.